Le 21 janvier dernier, je vous annonçais que l'avocat de Gatineau, Maître William Desrochers, avait déposé un pourvoi en contrôle judiciaire devant la Cour supérieure du Québec afin de contester le couvre-feu imposé par le gouvernement de François Legault dans le cadre de la crise sanitaire. Ce recours s'ajoute à ceux entrepris au Manitoba, en Alberta, en Colombie-Britannique, et à la demande en justice déposée par les avocats Jean-Félix Racicot et Guylaine Lacerte au nom des entrepreneurs en action du Québec. 9 jours plus tard, j'ai reçu une mise à jour de Maître Desrochers concernant la contestation du couvre-feu. Celui-ci nous annonce qu'il dépose une demande pour l'émission d'une ordonnance de sauvegarde pour obtenir un jugement pour valoir temporairement, d'ici à ce qu'un jugement final soit rendu. Il demandera aussi à la Cour supérieure d'accorder 60 jours au gouvernement afin qu'une loi soit adoptée par l'Assemblée nationale conformément à notre Constitution qui prévoit la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Nous remercions donc tous ces avocats qui travaillent pro bono et qui consacrent toutes leurs énergies à combattre les décrets iniques des gouvernements provinciaux. Hier, le 1er février 2021, Maître Desrochers a eu l'amabilité de me transmettre les déclarations sous serment du docteur Éric Lidvac et de Gaëtan Lafrance, sergent au service de la police de la ville de Gatineau, que la direction du contentieux lui a envoyé par courriel. Je précise qu'il s'agit donc des deux témoins du gouvernement de François Legault, et non pas les témoins de Maître Desrochers. Le docteur Éric Lidvac est conseiller médical stratégique adjoint à la Direction générale de la santé publique du ministère de la Santé et des Services sociaux, MSSS. À ce titre, il fait partie de l'équipe de conseillers du directeur national de santé publique et sous-ministre adjoint, Dr Horacio Arruda, et il est impliqué dans différents dossiers notamment celui de l'élaboration des paliers d'alerte et des mesures sanitaires qui en découlent. Pour sa part, Gaëtan Lafrance est sergent au service de la police de la ville de Gatineau, SPVG. Il est responsable de l'équipe Covid au sein du service de police de la ville de Gatineau. À ce titre, il est en charge d'organiser les opérations relevant de la mission de l'équipe Covid. L'équipe Covid relève d'un centre de coordination du SPVG qui élabore les stratégies opérationnelles cohérentes avec la stratégie provinciale et les besoins identifiés par les autorités régionales en santé publique. J'ai déniché un échange de correspondance entre le Dr Éric Lidvac et la direction des communications du ministère de la Santé et des Services sociaux, MSSS. Nous retrouvons parmi les correspondants des noms tels que le Dr Horacio Arruda, directeur national de santé publique, Catherine Gauthier, directrice du service des communications à la Centrale des syndicats du Québec, le Dr Richard Massé, ancien directeur de la santé publique et mentor d'Horacio Arruda, Isabelle Robitaille, responsable des relations avec les cabinets, et la controversée Dominique Savoie, ex-sous-ministre au transport et sous-ministre au ministère de l'énergie et des ressources naturelles. Au mois d'avril 2020, Dominique Savoie a été appelée en renfort à la santé afin d'aider les ressources gouvernementales à gérer la situation provoquée par la pandémie de coronavirus. Madame Savoie avait été suspendue de son poste de sous-ministre au transport en mai 2016 à la suite de la controverse soulevée par l'analyste Annie Trudel, qui avait été embauchée par l'ex-ministre des Transports Robert Poetti pour faire la lumière sur des irrégularités au MTQ. Annie Trudel et la fonctionnaire Louise Boily avaient dénoncé une culture de l'intimidation sous la gouverne de Madame Savoie. Dans un courriel daté du 7 septembre 2020 dans lequel Catherine Gauthier demande au docteur Éric Lidvac s'il sera présent aux côtés du docteur Arruda lors d'une conférence de presse, il est très étrange de constater qu'elle précise à ce dernier qu'il n'aura pas à prononcer d'allocution, et qu'elle lui transmettra un scénario. De plus, elle demande au docteur Éric Lidvac de lui indiquer son titre professionnel, ne sait-elle donc pas à qui elle s'adresse? Il me semble que cela est particulièrement étrange.